Chrysippe est un philosophe grec du IIIe siècle avant notre ère. C'est vraiment avec autant d'éclat que de justesse que Chrysippe, dans le premier livre de son ouvrage sur le beau et l'agréable, a peint la bouche, les yeux, le visage entier de la justice sous des couleurs sévères et nobles. Il a donné le portrait de la justice que d'ordinaire les peintres et les rhéteurs anciens représentent, dit-il, à peu près ainsi. Taille et traits de jeune fille, air fier et formidable, regard perçant, tristesse noble et digne, aussi éloignée de la bassesse que de l'orgueil. Par cette peinture allégorique, il a voulu nous faire comprendre que le juge, ce prêtre de la justice, doit être grave, saint, sévère, incorruptible, inaccessible à la flatterie, sans miséricorde ni pitié pour les méchants et les coupables, altier, ferme, énergique, imposant de toute la force, de toute la majesté, de la vérité et de l'équité. Voici comment s'exprime Chrysippe en parlant de la justice. On la dit vierge, symbole de la pureté. On dit qu'elle ne cède jamais aux méchants, qu'elle n'écoute ni douces paroles, ni supplications, ni prières, ni flatteries, ni rien de semblable. Par conséquent, on la dépeint sombre, le front tendu et contracté, regardant de travers, afin d'effrayer les méchants et de rassurer les bons, montrant à ceux-ci un visage bienveillant et à ceux-là un visage hostile.